À l'occasion de l'anniversaire du décès du président Kim Il-sung, les homepages d'Internet de l'agence de presse congolaise, du Comité national nigérien d'études du kim-sunisme-kim-jong-ilisme, de l'Institut d'amitié et culturelle péruvien coréen, du Parti des travailleurs communistes du Bélarus et de l'Association d'amitié avec la Corée siégeant en Espagne ont présenté les numéros en l'honneur du président Kim Il-sung qui a fait une contribution impérissable devant l'époque et l'histoire. Le homepage d'Internet de l'agence de presse congolaise a inséré le portrait en sourire du président Kim Il-sung et les homepages d'Internet de l'Institut d'amitié et culturelle péruvien-coréen et du Parti des travailleurs communistes du Bélarus, ces photos.